me coucher. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre école. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas me coucher. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre école. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas, j'irai pas. Bonjour et bienvenue dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste tous les premiers mercredis du mois à 17h sur Radio Dio 89.5 FM. On est le mercredi 3 juillet 2024 et aujourd'hui nous allons parler triangle de fer. Nous allons parler des liens entre la recherche, l'armée et l'industrie. Trois entités étroitement reliées, dont nous découvrons quelques principes dans le livre « Des treillis dans les labos ». Ce livre parle spécifiquement de Grenoble, mais petit à petit, vous verrez, on arrivera, en passant par Lyon et la lecture de la toute nouvelle brochure « Lyon, capitale européenne du militaro-sécuritaire », on arrivera à Grenoble, Lyon, bien sûr, on arrivera à Saint-Étienne. Mais commençons d'abord par un petit dialogue. Nous sommes en 1938. La Molucie est un pays imaginaire gouverné par le dictateur Bourou. Le philosophe allemand Günther Anders, dans son roman « La catacombe de Molucie », met en scène les dialogues de Holo et Yegusa, deux détenus dans les geôles moluciennes. Yegusa ne comprenait pas pourquoi Bourou avait pu prendre le pouvoir si facilement. Finalement, on était encore libre de s'exprimer en Molucie à l'époque. Bien sûr, répondit Holo. Mais prenons l'exemple de cette Molucienne, appartenant à la classe moyenne qui pouvait exprimer librement son opinion. Crois-tu que son opinion était son opinion? Que son opinion était libre? Qu'elle avait la liberté d'avoir une opinion personnelle? Sinon, oui, elle avait le droit de s'exprimer. N'avait-elle pas telle ou telle opinion parce que un autre avait la liberté et donc les moyens d'exprimer son opinion, de l'exprimer à peu de frais? Sa liberté d'expression consistait donc dans la liberté de transmettre librement l'opinion d'autres gens? résuma Yegusa avec prudence afin de s'assurer qu'il comprenait bien. Suppose qu'elle ait eu un manteau. Son manteau était-il le sien? Je veux dire, l'avait-elle confectionné elle-même? Elle l'avait acheté. Et elle avait acheté, en même temps, l'autorisation de le porter librement. Si elle faisait attention à elle, elle le portait en outre pour exprimer sa personnalité unique et son opinion. Elle l'avait également acheté, présuma Yegusa, et elle pouvait aussi la porter librement. Ainsi, ton objection est erronée parce que tu présupposes que tout le monde aurait spontanément sa propre opinion, que seule l'expression de l'opinion pourrait être étouffée, résuma Holo. Mais cette présupposition est également une opinion achetée, achetée par ceux qui fabriquent les opinions. Car ce qu'on étouffe, généralement, ce n'est pas l'expression de l'opinion, mais l'élaboration d'une opinion propre. Tant qu'il n'y a pas quelque chose comme une opinion propre, il n'est pas nécessaire d'étouffer son expression. Et il peut donc y avoir une liberté d'expression. Yegusa était profondément étonné. Tous les amateurs crédules de principes démocratiques étaient aussi étonnés que toi, Yegusa. Que Buru et les Mania, ces ennemis mortels du principe démocratique, aient réussi à prendre le pouvoir en suivant de façon incontestable et pédante les principes démocratiques, c'était un miracle absolu aux yeux de la plupart des démocrates, quand ils n'allaient pas jusqu'à saluer les conséquences antidémocratiques de leurs principes démocratiques. Comme les Moluciens restaient fidèles aux principes, ils n'osaient pas se révolter contre les conséquences de ce qu'ils avaient eux-mêmes défendu. Ils tenaient les principes pour plus importants que leurs conséquences, et ils tenaient les conséquences pour inoffensives, parce qu'elles découlaient de principes qu'ils chérissaient depuis longtemps. Yegusa comprenait très bien tout cela, et aucun maillon du raisonnement ne lui échappait. Pourtant, il secoua la tête, car l'âme boite derrière la raison. Cet extrait est tout le roman comme un pavé jeté contre les totalitarismes d'hier et d'aujourd'hui. Les machines du prêt-à-penser mondial, YouTube, Twitch, TikTok, propriété de Google, de Amazon ou des entreprises basées dans des paradis fiscaux. Mais revenons à notre sujet. Revenons au texte « Des treillis dans les labos » édité en 2024 au Monde à l'envers qui nous vient de Grenoble. Grenoble, c'est une ville de province écolo et sympa, à la mentalité de gauche, accueillante, dynamique, culturelle, avec des autoroutes à vélo pleines d'associations, de militants et d'étudiants. Mais c'est aussi, avec Paris-Saclay et Toulouse, l'un des centres névralgiques de l'industrie de l'armement française, spécialisé en microélectronique. C'est ici que l'on conçoit une partie importante des puces, appelées également semi-conducteurs, et circuits électroniques pour la vision, le guidage et la télécommunication des systèmes embarqués critiques, tels que les drones, ou les missiles. Oula, alors attends, comment cette ville sympa et écolo se retrouve au milieu d'un complexe aussi mortifère? Pour comprendre, il faut remonter à la bombe atomique. 2 mois seulement après les bombes qui ont dévasté Hiroshima et Nagasaki, De Gaulle créait le Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, chargé de mener des recherches scientifiques et techniques pour utiliser l'énergie nucléaire dans l'industrie, la science et la défense. Et en 1956, c'est l'antenne provinciale du CEA qui vient s'installer à Grenoble. Ça tombe bien, parce que ça fait déjà 15 ans que des ingénieurs de la Marine nationale, avec d'anciens ingénieurs allemands, bossent sur le magnétisme des sous-marins, les ondes radio, etc. Les plus éminents viendront prendre des postes clés du CEA Grenoble. Ça fissure déjà un petit peu le mythe de la recherche pure imperméable aux intérêts de l'armée. En 1963, sortira du CEA Grenoble la première puce en silicium durci, résistante aux radiations, donc utile, en premier lieu, à la bombe atomique, puis progressivement au civil. Mais à la lecture de ce texte, un autre mythe s'effondre, celui de la recherche publique imperméable aux intérêts du privé. Oui, jusqu'ici on avait deux bouts du triangle, l'armée et la recherche, avec de grands laboratoires contrôlés en partie par des ingénieurs militaires. Voyons comment se structure le lien avec l'industrie. Alors, à Grenoble, dès la Première Guerre mondiale, elle était déjà bien fournie en termes d'industrie. On y trouvait même une boîte qui fabriquait le phosgène, un gaz de combat similaire au gaz moutarde. Mais toujours en partant du CEA, on constate qu'à chaque découverte valorisable, hop, une start-up est née. Non seulement on y travaille pour imaginer les armes de demain, mais en plus on en profite pour créer des entreprises qui vont les fabriquer. Parmi les dizaines de start-up issues du CEA, à la lecture du bouquin, on en extrait deux, Sofradir et F6. Sofradir, qui deviendra l'INRED, s'est rendu célèbre pour ses capteurs infrarouges, mais vraiment célèbre, au point d'en devenir un leader mondial. Et cette entreprise, issue du CEA, est tellement généreuse qu'elle s'est récemment faite épingler pour avoir vendu ses capteurs à la Russie. Et oui, le commerce n'a pas de frontières, même sous embargo. Quant à F6, la deuxième start-up qu'on a choisi de montrer après la lecture de ce bouquin, il y en a d'autres, hein, elle va devenir, après de multiples fusions-acquisitions, ST Microelectronics, fabricant de puces électroniques. Et aussi le plus gros employeur de la région grenobloise. Et aussi un des plus grands consommateurs d'eau potable de la région. Gros succès pour ST Microelectronics, on trouve ces puces partout. Et aussi dans les missiles russes, mais on y reviendra. Et on trouve ces centres de recherche, de développement et d'industrie aussi, par exemple, en Israël. Mais on y reviendra. Pour l'instant, j'ai résumé brutalement plusieurs parties du bouquin, mais ce que veut montrer l'auteur, ce sont les intrications profondément militaristes de certains secteurs de la recherche publique. Le CEA a sa dame. Le CEA a sa direction des applications militaires, d'où le titre « Des treillis dans les labos ». Mais il veut montrer aussi l'espèce d'innocence naïve des universitaires qui, pensant faire de la recherche désintéressée, on l'a dit, se retrouvent créateurs et créatrices de technologies qui servent à tuer des gens. La fameuse dualité civile-militaire, bien pratique à la fois pour la conscience des têtes d'ampoule, mais aussi pour contourner les embargos, on l'a vu. Et ouais, une puce, c'est une puce. Les puces de ST Microelectronics servent autant pour les lave-linges que pour les missiles. Donc, moyennant quelques parcours sinueux, on peut les vendre à qui on veut. Cette, ou c'est plutôt au pluriel, success story grenobloise, place la ville dans un des trois pôles névralgiques de l'industrie de l'armement. On a parlé des puces et des capteurs à Grenoble, à Paris-Saclay et au CEA, délégation ou direction des applications militaires de Bruyères-le-Châtel, on bosse sur la bombe atomique en elle-même. Et à Toulouse-Bordeaux, le troisième point névralgique de cette industrie, ce sera l'aérospatiale militaire, donc aussi la propulsion de ces vecteurs. Vecteur, c'est le mot militaire pour parler du missile qui transporte la bombe atomique, entre autres, ou d'autres bombes pas atomiques. On a là la manifestation matérielle du nucléarisme indéniable de la France. En plus d'être nucléariste, la France fait la guerre. On ne compte pas le nombre d'opérations extérieures, OPEX, servant à conforter son emprise, souvent néocoloniale, partout dans le monde. Mais faire la guerre, ça sert aussi à faire des démonstrations commerciales aux yeux du monde entier et sur le dos des populations bombardées. Dernièrement, on a l'exemple des canons César, fierté de Nexter à Roanne, mais on peut aussi citer l'usage des Rafales en 2012 en Afghanistan qui ont séduit bon nombre d'acheteurs dans le monde, Inde, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite et j'en passe. Pourquoi j'insiste sur les ventes ? Bah parce que la France est devenue le deuxième pays exportateur d'armes au monde, mais ça, je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, non ? On comprend bien, dans ce livre, que si la France exporte autant, c'est qu'elle en a besoin. Structurellement, la commande interne à l'armée française ne suffit pas. Ça coûte trop cher de produire, alors il faut exporter 40 à 60% de la production pour assurer la pérennité du modèle économique. Des sénateurs nous rappellent même « Les exportations d'armement sont d'abord justifiées par le fait qu'elles sont indispensables au financement des investissements qui permettront d'assurer à nos forces de conserver à l'avenir l'avantage technologique ou du moins de ne pas avoir de handicap technologique. » Voilà. Voilà que la belle rhétorique de la défense prend du plomb dans l'aile. Bah ouais. Si pour me défendre, je dois exporter la moitié des armes qui serviront à faire la guerre ailleurs, c'est pas joli joli. Et soit dit en passant, non seulement il n'y a pas de transparence sur ces exportations d'armes, mais surtout la France n'est pas très regardante sur les régimes plus ou moins autoritaires ou carrément déjà en guerre de ses pays clients. Sans parler du fait que toutes ces armes qui prolifèrent partout pourraient toujours se retourner contre nous. Ça fait une nouvelle flopée d'arguments contre la rhétorique de la défense. Le premier des arguments étant, mais faut-il le rappeler ? Oui, il faut le rappeler, les armes, ça sert à tuer. On ne se défend pas avec un rafale, parce qu'il faut des mètres cubes et des mètres cubes de kérosène pour que le faire voler. Il faut une chaîne de commandement hyper hiérarchisée pour s'en servir, parce qu'il faut une flopée d'industriels assassins pour le garnir de munitions, bref, il faut l'État. Donc, on a vu mieux comme perspective émancipatrice et défensive. Enfin, et pour boucler la boucle sur le bouquin, on peut noter une évolution dans la structuration de l'emprise du militaire sur la recherche et l'innovation. On peut lire dans le document de référence et d'orientation de l'innovation de défense de 2023, citation. Les innovations à haute vélocité portées par les startups avaient tendance à échapper aux grandes organisations comme le ministère des Armées. Par ailleurs, le poids considérable pris par le marché civil dans certaines technologies, numérique, espace, etc., guide désormais le progrès de ces technologies qu'il revient aux armées d'adopter et d'adapter à leurs besoins propres. La captation de ces innovations au profit de la défense est l'une des missions fondatrices de l'Agence d'innovation de défense. L'AID a mis en place les dispositifs en amélioration constante permettant de détecter au plus tôt ces technologies d'intérêt, de nouer une relation de confiance avec les dirigeants des entreprises et leur proposer au moment le plus opportun une collaboration pertinente. Ah, alors jusqu'à présent, on parlait de découvertes dont les scientifiques faisaient semblant d'ignorer qu'elles étaient plus ou moins téléguidées par l'armée. Aujourd'hui, la Direction Générale de l'Armement, via son bureau d'innovation, l'AID, l'Agence d'innovation de défense, se donne pour mission de capter ces innovations au profit de la défense. Bah mince alors, imaginez, on avait pourtant démissionné du CEA parce qu'il était trop compromis avec les bidasses. On abandonne les recherches sur les radiations, on monte sa petite boîte d'optique, je sais pas, qui développe des caméras pour compter les points en ping-pong. C'est cool le ping-pong. Et paf, voilà que l'AID nous saute sur le rable en disant que ce nouveau dispositif de pointage de cibles mouvantes en temps réel est très très prometteur. Vous aurez beau dire que c'est pas une cible mouvante, que c'est une balle de ping-pong, avec l'armée, il y a toujours des différences de focale. Vous saisissez l'ironie ? Saisissez-vous l'inversion d'une dynamique où les découvertes militaires infusaient peu à peu dans le civil, les scanners, les radars, le GPS, etc., Et bien maintenant, le mouvement inverse est vrai lui aussi. Va falloir être prudent, ou peut-être tout simplement faire attention à ce que l'on fait. Ça a l'air simple comme ça, mais est-ce encore possible ? J'ai ouvert la chronique avec le roman de Gunther Anders, La catacombe de Maulussy. Je peux clore cette recension par une lettre qu'il a écrite. Il a écrite au fils d'Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, qui était responsable de la logistique de la solution finale sous le Troisième Reich. En parlant de la bombe atomique, il fait le parallèle avec la logistique de l'extermination. Que signifie l'actuel armement atomique ? Que des millions d'entre nous sont employés, comme la chose la plus naturelle, à co-préparer la possible liquidation de population, peut-être même de toute l'humanité, et aussi à la co-réaliser en cas de conflit, et que ces millions de gens acceptent et remplissent ces jobs avec autant de naturel qu'ils leur ont été proposés ou distribués. La situation actuelle ressemble donc de la plus épouvantable manière à celle d'antan. Ce qui s'était appliqué à l'époque, à savoir que les employés remplissaient leurs fonctions de manière consciencieuse, parce qu'ils ne voyaient plus rien d'autre en eux-mêmes que les pièces d'une machine, parce qu'ils prenaient à tort l'existence et le bon fonctionnement de cette machine pour sa justification, parce qu'ils demeuraient les détenus de leur mission spéciale et restaient donc séparés du résultat final par une quantité de murs, parce que, en raison de ces énormes dimensions, ils étaient rendus incapables de se le représenter, et en raison de la médiateté de leur travail, incapables de percevoir les masses d'êtres humains à la liquidation desquels ils contribuaient. Ou bien parce que, comme votre père, ils exploitaient cette incapacité. Tout cela donc s'applique encore aujourd'hui, et s'applique même aujourd'hui aussi. Ce qui rend tout à fait étroite la ressemblance entre la situation actuelle et celle d'alors. Que ceux qui se refusent à une telle participation ou qui la déconseillent à autrui deviennent déjà suspects de haute trahison. Tout cela vaut donc pour aujourd'hui aussi, peu importe que ce soit encore ou à nouveau déjà. Remarquez-vous une chose, Klaus Eichmann. Remarquez-vous que le prétendu problème Eichmann n'est pas un problème d'hier, qu'il n'appartient pas au passé, que pour nous, et disant cela, il y a vraiment très peu de gens que je puisse exclure, n'existe pas de motif pour se montrer arrogant au regard d'hier, que nous tous, exactement comme vous, sommes confrontés à quelque chose de trop grand pour nous, que nous tous refusons l'idée de ce trop grand pour nous et de notre manque de liberté face à lui, que nous tous, par conséquent, sommes également des fils d'Eichmann, du moins des fils du monde d'Eichmann. Pour finir, et à propos de ce bouquin, et revenir à la lutte contre l'anéantissement, j'emprunte quelques mots de la conclusion du bouquin Détrayi dans les labos. Cette propension des pays les plus riches à fabriquer la guerre, et pas seulement à la faire, nous la voyons inscrite dans une attaque plus vaste du technocapitalisme contre tout ce qui vit, pollution, bétonisation, modification génétique, cancer, dérèglement du climat, dévastation des milieux naturels, lobotomie des humains par les écrans. C'est véritablement une guerre généralisée aux vivants que mène le technocapitalisme depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'acquisition de moyens divins de destruction. Les guerres en cours sont caractéristiques de cette guerre généralisée aux vivants parce qu'elles agissent dans les trois sphères principales des sociétés humaines. Ce sont des guerres qui tuent et maltraite énormément d'humains. Ce sont des guerres qui altèrent la nature, les milieux de vie, les moyens de subsistance, par les bombardements, les missiles à uranium appauvris, etc. Mais aussi par le fait que l'ampleur de la production de marchandises guerrières a pour conséquence la libération d'énergie phénoménale, l'extraction de matières premières, la pollution, des échanges de marchandises à n'en plus finir. Ce sont des guerres idéologiques qui influencent nos façons de nous comporter entre êtres humains, qui exacerbent la haine et instaurent la violence généralisée comme normalité, qui relègue la sensibilité envers autrui, humains et animaux, aux oubliettes de la pensée. Les luttes écologistes et les luttes antimilitaristes ont donc un ennemi commun. C'est la guerre que mène le système industriel et sa logique technocapitaliste. Il nous paraît alors plus qu'essentiel que, contrairement à ce que prônent certains écologistes de parti, les pensées antimilitaristes, pacifistes, antinucléaires soient au cœur des engagements frontaux contre le système. C'était un petit bout de conclusion. On pourrait rajouter que les luttes féministes aussi sont essentielles à mener dans ces engagements frontaux, parce que quand l'auteur nous parle de violence généralisée comme normalité, j'ai pas pu m'empêcher de penser au texte de la résistance féministe anti-guerre qui provient de partout dans le monde, mais de pas mal de féministes russes qui aussi dénoncent la normalisation de la violence par un état en guerre, même s'il ne le dit pas, la Russie, et notamment au détriment des personnes minorisées en permanence. Et du coup, ça fait quelque chose de très dur, de très dur d'un point de vue féministe, quoi, un État qui est en guerre. On peut penser juste comme ça au fait de considérer les femmes comme des matériaux de reproduction, en fait. Par exemple, mais ce texte de résistance féministe anti-guerre qui provenait de Russie, il nous détaille aussi toutes les attaques contre les mouvements féministes et émancipateurs. Allez, on se passe un petit morceau avant d'attaquer la deuxième partie. On va écouter ce morceau. We'll be right back. Vous êtes toujours sur le 89.5 de Radio Audio dans l'émission J'irai pas, tous les premiers mercredis du mois à 17h. En première partie d'émission, on détricotait les liens entre recherche, armée et industrie, notamment autour de Grenoble. Maintenant, on se rapproche un peu d'ici, et pour cela, on passe par Lyon. Lyon, où la brochure « Lyon, capitale européenne du militaro-sécuritaire » vient de sortir. Alors à Lyon, ça fait déjà des années que des personnes s'intéressent à l'industrie locale de l'armement. On avait aussi parlé avec Guy Dechesne autour de son livre sur le GARM, le groupe d'action et de résistance à la militarisation. On avait parlé avec lui de l'antimilitarisme depuis les années 60 jusqu'à, par exemple, entre autres, l'Observatoire des armements, dont on peut voir les travaux sur le site obsarm.info. Mais à force d'enquêter, à force de chercher, on trouve. Et à Lyon, ce n'est pas le CEA qui est apparu, mais la CCI, encore un acronyme, encore une institution publique. Ces trois lettres désignent la Chambre de commerce et d'industrie. Alors, c'est quoi le rapport ? Lisons le sous-titre de cette brochure. Le sous-titre, il donne ça. Hub européen de la sécurité globale, cluster Eden lobby de l'industrie militaire en région Auvergne-Rhône-Alpes, BNE de Saint-Étienne, ah tiens, ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon nous prépare en douce. Mais c'est quoi la Chambre de commerce et d'industrie ? Bah, on nous le précise, les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics d'intérêt général chargés de représenter les intérêts de l'industrie, du commerce et des services sur un territoire donné. Historiquement, elles ont été créées par des entrepreneurs locaux. Progressivement, elles sont devenues des chambres consulaires. Bénéficiant d'importants fonds publics, elles forment leurs membres, marketing, compta, cybersécurité, fresque du climat, et accompagnent la création d'entreprises et soutiennent des projets innovants. Les CCI possèdent en propre ou gèrent des infrastructures importantes, par exemple, celle de Lyon possède l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, le banc national d'épreuves de Saint-Étienne, BNE, ah c'est donc ça, l'école de management de Lyon, EM Lyon, grande école de management privée de renommée internationale, et aussi des centres de formation et des écoles de commerce privé. Voilà. Bon, mais c'est quoi que la CCI nous prépare en douce ? C'est quoi le hub européen de sécurité globale qui prendra place sur les 7 hectares actuellement occupés par l'EM Lyon, l'école de management de Lyon ? Écoutons Philippe Valentin, le président de la CCI. Il nous en parle. Ce hub sera une Silicon Valley de la sécurité au sens large. On y traitera de la protection contre les cybermenaces et les aspects liés à l'intelligence artificielle, la sécurité des biens et des personnes, tout ce qui est lié au régalien, et à la formation au sens large, qu'il s'agisse de celle des policiers municipaux ou de la police technique et scientifique, déjà installée de longue date à Écully, ou bien encore d'agents de sécurité privés. Sans oublier plusieurs pôles autour de la formation et l'entraînement, de la recherche et l'expérimentation, de l'accompagnement des entreprises, sans oublier encore la sécurité environnementale, sanitaire et alimentaire. Tout un programme au service de l'aliénation numérique et du contrôle dans toutes ses dimensions. Vous me direz, c'est du sécuritaire, c'est pas du militaire. Sauf que le directeur de ce projet, nommé par Philippe Valentin, n'est autre que le général Daricot, l'ancien gouverneur militaire de Lyon. On a déjà quelques indices sur l'intrication armée-police, militaire-sécuritaire. Si on rajoute que la CCI souhaite y travailler à 50-50 pour le public et le privé, on a, en plus, une hybridation public-privé. Un double mélange des genres qui a l'air de plaire et dont la doctrine porte un nom, le continuum sécurité-défense. C'est-à-dire une continuité entre les métiers de la sécurité, les métiers de la sécurité privée, les métiers de la police, jusqu'à l'armée, jusqu'aux militaires. En effet, depuis plusieurs dizaines d'années, les opérations militaires intègrent souvent des aspects de maintien de l'ordre, et de surveillance, tandis que la police, nationale comme municipale, se militarise de plus en plus, que ce soit au niveau de la doctrine ou du matériel. La guerre, elle-même, est aussi un excellent laboratoire pour expérimenter des méthodes et du matériel qui pourront être utiles à la police sur le territoire national. Le rapprochement entre public et privé participe aussi de cette dynamique, ainsi les boîtes de sécurité privée voient leur champ d'action et de compétences élargi. Donc ce continuum, cette espèce d'autoroute sans discontinuité, en fait elle améliore les échanges, on le voit, dans les deux sens, de la police vers l'armée, de l'armée vers la police. De la militarisation de la police au maintien de l'ordre par l'armée. On constate donc que cette intrication permanente entre les différents acteurs, et il se pourrait bien qu'à Écully, à côté de Lyon, 7 hectares leur soient consacrés, donc 70 000 m². Pour cela, il faut que l'EM Lyon leur laisse la place. Mais vous inquiétez pas, la prestigieuse école, qui a eu comme éminente étudiante Marion Maréchal Le Pen, par exemple, va déménager à Gerland. Mais est-ce qu'elle va y laisser ses billes ? Comme son Master of Science in Cybersecurity and Management, dans lequel interviennent régulièrement des boîtes de sécu privées ainsi que le ministère de l'Intérieur, ce master, c'est aussi celui dans le cadre duquel a été signé en 2021 un accord de coopération académique avec le cluster EDEN, ce lobby régional des PME de l'armement. Bon, à ce stade, je vous ai peut-être un peu perdu, alors on respire et on reprend. Cette brochure est disponible sur le net d'ailleurs, vous pourrez reprendre. Reprenons. L'EM Lyon est actuellement placée sur 7 hectares à Écully, près de Lyon. Elle va laisser la place à un obscur hub européen de sécurité globale, qui a l'air d'être une ratatouille avec des vrais morceaux de police, des vrais morceaux de militaires, des vrais morceaux de public et de privé. Le tout à la sauce continuum de sécurité-défense et sous l'aide bienveillante de la CCI et de la métropole écolo de Lyon. Ce qui nous a perdu à l'oral et à la radio, c'est qu'on s'est attaché sur l'EM Lyon, l'école de management de Lyon, et sur ses liens avec les milieux militaristes. La brochure en profite, elle, pour détailler plein d'autres liens que les différentes universités lyonnaises entretiennent avec la DGA, la Direction Générale de l'Armement, ou avec des boîtes comme Safran, Airbus, Thales, via des appels à projets ou via des thèses. C'est de bonne guerre, comme on dit. Une fois qu'on a mis le doigt sur tout ça, de lâcher un coup de pied en passant aux autres universités complices, mais surtout ça montre la profondeur des intrications. Allez, on quitte les bancs universitaires. On revient à la CCI, ou plutôt à un de ses rejetons, le cluster EDEN. Créé en 2008, le cluster EDEN pour European Defence Economic Network, c'est le lobby régional des petites et moyennes entreprises œuvrant dans le militaro-sécuritaire. Ce cluster a pour objectif d'unir la grosse centaine de ses membres afin de faciliter leur développement. Son président actuel, Thierry Regon, est vice-président de l'entreprise SunAero, qui œuvre dans la maintenance aéronautique, et il est aussi vice-président du tribunal de commerce de Lyon. La création de EDEN est directement liée à une étude menée par la CCI de Lyon sur demande de la Direction Générale de l'Armement visant à mieux connaître sa base industrielle et technique de défense. Du coup, avec tous les acronymes, ça fait la création d'EDEN est directement liée à une étude menée par la CCI de Lyon sur demande de la DGA visant à mieux connaître sa BITD. Voilà. Le cluster est hébergé par la CCI de Lyon qui le subventionne en nature, près de locaux et d'employés. Originellement limité à la région Rhône-Alpes, il n'a pas cessé de s'étendre. Il devient en 2011 une fédération nationale et ouvre un bureau national unique en 2017. Il a maintenant des branches en Bretagne, dans le Grand Est, en Île-de-France et dans le Sud. En 2022, il revendique plus de 130 membres. Donc les membres, il faut comprendre que ce sont des PME, hein, des PME de l'industrie de l'armement, quoi. Son organigramme, d'ailleurs, en 2023, inclut comme conseiller deux jeunes généraux retraités en poste à Lyon, le général de gendarmerie Philippe Guimbert et le général Christian Peraldi. Donc, ce n'est pas une banale association d'entrepreneurs fabriquant du matériel quelconque, c'est une initiative de l'État par le biais de la DGA, des politiques et de la CCI, Chambre de commerce et d'industrie, main dans la main avec des entrepreneurs locaux, pour développer l'industrie de l'armement, de la sécurité et de la surveillance dans la région et au-delà. Un des rôles clés d'ailleurs du cluster EDEN est d'aider ses entreprises membres à obtenir des contrats à l'export. Comme le dit son ancien président, chasser en meute à l'export. Plus de la moitié du chiffre d'affaires des entreprises membres du cluster vient de l'export. De son côté, la région Aura finance la présence des loups-garous de l'armement régional sur tous les grands salons internationaux Milipol, Eurosatory, IDEX. Et Stéphanie Pernaud, première vice-présidente de Wauquiez, défend au canon ses champions régionaux. La région est fière de soutenir ses fleurons industriels spécialisés dans l'armement, tant ce secteur est stratégique pour notre souveraineté. Parmi les boîtes qui appartiennent au réseau du cluster EDEN, on peut trouver Delta Drone, Metravib, qui a équipé les blindés turcs contre les Kurdes, PGM Précision qui fournit en fusil de précision les armées égyptiennes et israéliennes. On peut citer aussi Vernet 40, tiens, dont le matériel de maintien de l'ordre a été utilisé contre les populations sénégalaises, mais aussi Nobel Sport qui a équipé la répression des populations françaises, libanaises et ivoiriennes. Et Lister encore, fabricant de drones filaires, qui s'est fait épingler pour avoir vendu ses drones aux services secrets russes récemment. Voilà pour le cluster EDEN hébergé et maintenu par la DGA à la CCI de Lyon. Alors avec Vernet 40 dans le cluster EDEN, on s'approche de Saint-Étienne. Vernet 40, cette boîte stéphanoise qui vend des flashballs et des lance-grenades et dont le slogan est « Amour de la nature, passion de la chasse ». Et d'ailleurs, on est tombé sur un article qui date d'hier, du journal militariste Air et Cosmos qui nous offre en exclusivité une interview de son directeur du développement qui s'appelle Guillaume Vernet-Caron, dans lequel on en avait déjà parlé. Vous connaissez les LGBT, ça veut dire lance-grenade bitube. Et on sait que l'État, le ministère de l'Intérieur, cherche à acquérir des lance-grenades qui pourraient lancer deux grenades à la fois ou deux flashballs à la fois. Eh bien, le directeur de développement de la branche défense de Vernet-Caron, la branche défense, elle s'appelle Lebel, nous dit que la police française est une des meilleures du monde, hein, il est très fier, et qu'ils sont en passe de fournir 3000 nouveaux lance-grenades au CRS français qui seront déployés sur le terrain au fur et à mesure des 5 prochaines années. Voilà, le nouveau lance-grenade bitube qui s'appelle le lanceur Cobra, qui a été présenté par exemple à l'Eurosatory des 17 et 21 juin qui a pris place à Paris. Mais on parlait des liens entre Lyon et Saint-Étienne. Déjà dans cette brochure, on voit apparaître Vernet-Caron, mais on a parlé de BNE. Et un autre lien, par exemple, on peut en faire un autre, parce que depuis 2016, les trois chambres de commerce de Lyon, de Saint-Étienne et de Roanne ont fusionné en une seule. Donc, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, en fait, c'est la même que celle de Saint-Étienne et que celle de Roanne. Et depuis 1856, le banc national d'épreuves de Saint-Étienne appartient à la CCI. Mais qu'est-ce que c'est que le banc national d'épreuves de Saint-Étienne ? C'est la seule structure en France habilitée à tester des armes légères et les munitions civiles et militaires jusqu'au calibre 25 mm de l'OTAN, à assurer la destruction de ces armes ou à tester les matériaux de protection de tout type, blindage, protection individuelle. Elle peut aussi neutraliser les systèmes d'armes de moyen et gros calibre installés sur des blindés. Donc ce banc d'épreuves, le seul en France, dispose donc d'un véritable monopole dans ces domaines. C'est aussi un membre actif du cluster EDEN. Et si on creuse un peu autour du BNE, on en arrive vite à l'actualité meurtrière du Moyen-Orient, par exemple avec l'entreprise Amefo, en Saône-et-Loire, qui fabrique des blindages militaires. En fait, cette entreprise, elle va tester ces blindages au Banc national d'épreuves de Saint-Étienne. Et cette entreprise Amefo, en fait, elle a été rachetée. Elle est devenue une filiale de l'entreprise israélienne Plassan, qui appartient au kibbutz Sassa, près de la frontière libanaise, et qui développe ses blindages. Voilà un lien qu'on peut faire entre Lyon, Saint-Étienne, mais aussi la CCI, une entreprise d'armement, de blindage, et Israël. Voilà, donc cette entreprise Plassan, du coup, dont Amefo est devenue une filiale, fabrique des blindés légers israéliens, quoi, Storm Rider, Sandcat, etc., etc. Donc, comme en France, seul le BNE est autorisé à réaliser ces types de tests, on peut affirmer que de Plassan à Amefo, en passant par la BNE, le BNE, la CCI de Lyon-Saint-Étienne-Roanne, trempe dans la fabrication des guerres au Proche-Orient ou ailleurs. Alors, comme pour le texte sur Grenoble, j'ai passé sous silence beaucoup d'autres exemples et informations qui montrent l'emprise du militaire sur l'économie et donc sur nos vies. Vous pourrez la lire à tête reposée. Ce que j'aime bien aussi dans cette brochure, c'est qu'elle ouvre la focale sur d'autres désastres liés à la réindustrialisation et la soi-disant souveraineté. L'agrandissement d'usines de puces, comme ST Microelectronics, ou l'agrandissement d'usines chimiques, comme Arkema, la nouvelle mine de lithium dans l'Allier, les nouveaux EPR2 dans le domaine du nucléaire. Et donc, elle ouvre la focale sur le projet sociétal qu'implique toujours plus d'armes, de contrôle et de destruction. Mais ça tombe mal, parce que moi, plutôt, je voulais resserrer la focale de notre petite escapade en Rhône-Alpes. Au départ de Grenoble, en transit à Lyon, on arrive à Saint-Étienne par le biais du Banc national d'épreuves, propriété de la CCI Lyon-Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'à Saint-Té aussi, on a un bâtiment de la CCI situé cours Foriel, juste à côté d'ailleurs de l'antenne stéphanoise de l'école de management de Lyon. Tiens, ça fait encore du lien ça. Ça pourrait être bien d'aller leur demander, aux uns ou aux autres, précisément leur lien avec par exemple le cluster Eden, avec le hub de sécurité globale qui s'apprête à être construit à Lyon. On pourrait leur demander si on peut assister à leur petite réunion. Et de l'autre côté du cours Foriel, à peine un peu plus loin, on trouve l'école des mines. On est à Saint-Thé maintenant. L'école des mines, une école d'ingénieurs, en partie financée par la fondation Mines Télécom, qui elle-même bénéficie des subsides d'entreprises comme Dassault, Naval Group, Safran, Thales, Ineo Défense, MBDA. Et si on regarde du côté des thèses défendues dans ces 18 départements de recherche de l'école des mines, dont un qui est partagé avec le CEA Leti à Grenoble, on en trouve une flopée qui proviennent de financements ST Microelectronics. Vous vous rappelez, ST Microelectronics, on en parlait en début d'émission, c'est la boîte dont on retrouve les puces dans des lave-linges, mais aussi sur les missiles russes largués en Ukraine. Les Ukrainiens estiment d'ailleurs qu'il y a l'équivalent de 94 millions de dollars de leurs puces qui sont retrouvées sur le champ de bataille. Toujours dans la rubrique des liens de la recherche avec l'industrie, on peut se rapprocher de la Cité du Design, tiens, derrière laquelle on a le Pôle Optique et Vision, entité de l'Université Jean Monnet, créée sous l'impulsion de Thalès Ingénieux. Ça commence mal. C'est vrai que, avant de devenir une entité de Thalès, qui vend des drones à Israël et des lunettes de visée nocturne à l'armée russe, Ingénieux, c'était juste une petite boîte d'optique pour le cinéma. Bon, reprenons. À l'intérieur de ce Pôle Optique et Vision, on trouve entre autres le laboratoire Ubercurien, dans lequel cherchent des chercheurs et chercheuses dans des domaines tels que l'optique, la radiation, l'informatique et l'intelligence artificielle, ou bien les systèmes embarqués. De la recherche publique pure et désintéressée? Pas tant que ça. En creusant un peu, on trouve de tout. On trouve des thèses commandées par Thales pour des caméras infrarouges, mais aussi pour de la crypto. On trouve des articles subventionnés par la DGA, des thèses avec le CEA et ses différentes branches, dont celle de Bruyères-le-Châtel dont on parlait au début au sujet de la bombe atomique. Et un projet, des projets pour ST Microelectronics aussi. Et un projet pour l'OTAN, qui est assez cynique, c'est le SPS, le Science for Peace and Security de 2013 à 2016 avec le laboratoire ubercurien, une université slovaque et une américaine, et la School for Computer Science de Tel Aviv en Israël. Ils ont reçu le prix 2018 de l'OTAN, Science for Peace. Eh ben, à voir les partenariats, on a un peu du mal à rapprocher ces deux mots, Science for Peace. On a un peu du mal à le croire, tant les partenariats avec Thales, géant de l'armement mondial, avec la Direction Générale de l'Armement, avec le Commissariat à l'Énergie Atomique, tant il y a de liens entre la recherche pure et désintéressée et des organismes, qu'ils soient publics ou privés, de l'armement, de l'industrie de l'armement, on a du mal à coller ces deux mots, Science for Peace. Mais bon, c'est un peu comme à l'époque Atom for Peace aussi. Il y avait un petit truc comme ça dans les années 80. Et ben voilà, en fait, les questionnements qui ont été posés à Grenoble et à Lyon, peut-être qu'on peut les poser aussi pour nos labos de synthé. Voilà, comment ces éminents universitaires arrivent-ils, et elles, à dormir ? Par quel biais de dissonance cognitive faut-il passer pour ne pas lutter à contre-courant de ces dynamiques mortifères ? Mais il n'y a pas que la recherche publique à la Cité du Design. Il y a aussi la recherche privée. Juste à côté du laboratoire ubercurien, on compte un labo privé qui s'appelle IREIS, de l'entreprise HEF. HEF est une vieille entreprise stéphanoise qui s'agrandit récemment pour miser sur l'hydrogène, mais qui jusque-là bossait et bosse toujours sur les traitements de surface soumises à rude épreuve. Oui, les surfaces soumises à rude épreuve, c'est par exemple la surface des Formule 1. Mais c'est des engins qui vont très vite, quoi, qui sont soumis à des frottements. Mais aussi, d'autres engins soumis à des frottements qui vont très vite, ce sont les Rafales, les avions de chasse. Tant qu'on est vers la Cité du Design, on peut citer encore, mais j'en avais déjà parlé, deux filiales de Nexter, géant de l'armement, Opsys et NBC6, qui sont toujours à Saint-Thé, autour de la Cité du Design. Tout ça, ça nous fait beaucoup d'acronymes. L'important, après avoir parlé des textes grenoblois et lyonnais, qui rassemblent et documentent les dynamiques à l'œuvre entre recherche, industrie et armée, c'est de se dire qu'ici aussi, à Saint-Thé, il y a du beau monde dans les différents secteurs et qu'ils se croisent plus souvent qu'on ne le pense et qu'il y a donc du boulot. Voilà pour ce voyage en Rhône-Alpi, depuis Grenoble jusqu'à Saint-Thé en passant par Lyon. Il me reste très peu de temps avant de laisser place à la prochaine émission qui s'appelle « Cours, le vieux monde est derrière toi ». Alors, je vais faire juste 2-3 minutes d'actu, parce que quand même, il faut qu'on parle du parcours des champions. Hein, on est dans une ambiance hyper sportive. Et bien, si on va sur le site défense.gouv.fr, on peut lire le parcours des champions. Du 9 mai au 27 août 2024, dans de nombreuses villes de France qui clôtureront l'étape journalière du relais de la flamme olympique, le ministère des Armées proposera gratuitement aux jeunes de 18 à 26 ans de participer au parcours des champions, un challenge sportif sur un équipement créé par les forces armées. Et voilà qu'on nous explique comment ce parcours des champions se déploie à base de faire des pompes, de frapper dans des sacs, de faire des courses en portant des poids de 16 kg pour enfin tirer au laser. Voilà, c'est ça le être champion, effectivement, et vous avez pu le découvrir le 22 juin, puisque Saint-Étienne accueillait la flamme olympique, et l'effort sportif n'a pas l'air de se distancier de l'effort de guerre, et donc l'armée a été plus que bienvenue, place de l'Hôtel de Ville, pour faire leur petit parcours des champions, qui avait l'air d'être un sympatoche parcours de recrutement, pour montrer que l'armée, c'est trop cool. Dommage que les soignants et soignantes n'étaient pas là. Elles auraient pu compléter ce parcours des champions par des petits ateliers amputation, suture, transport de blessés ou emballage de cadavres. Voilà, ça aurait pu vraiment compléter ce parcours des champions. On le soumettra pour les prochaines villes peut-être, les prochaines villes qui vont accueillir au long du passage de la flamme olympique, le parcours des champions. On pourrait y intégrer cette pratique de nos héroïnes et héros du quotidien, à savoir les soignants, qui pourraient être ravis de parler de leur expertise. Et enfin, une dernière info dans les actus locales à Valence, pas très loin d'ici, hein, derrière le Pila. Il y a eu le 30 juin l'aéro-torcho. Alors l'aéro-torcho, qu'est-ce que c'est ? C'est le Dauphiné qui nous l'explique. Tigre, gazelle, cougar, caïman, caracal, guépard, le GAMSTAT, groupement aéromobilité de la section technique de l'armée de terre, a lâché ses fauves dans les airs ce dimanche 30 juin pour le 12e aéro-torcho. C'est là que des nostalgiques de l'armée aux enfants fascinés par les engins à moteur, tous ont fait le plein d'images, au propre comme au figuré. Un super show militaire, du coup, avec plein d'hélicoptères et d'avions de chasse, ou d'avions tout court, pour ébahir grands et petits. J'aurais pu parler de Rossatori, mais peut-être qu'on va s'arrêter là avec une petite chanson. Avant, on se retrouvera dans un mois, le premier mercredi du mois d'août. D'ici là, à bas l'armée, vive l'amitié, à bas la guerre et vive la lutte. Au-dessus des couveuses et croasses de lugubres et funèbres berceuses qui se quittent. Pendant que nos sorcières sanitaires et barbues centrifugent nos clones au fond de leur cornuque, ils se quittent. De l'école où brûle un tableau noir, une crèche est brisée en écrivant espoir qu'ils se quittent. Déjà les mitrailleuses ont regagné leur nid, celui de bouche bourdonne sur la classe endormie qu'ils se quittent. Qu'ils se quittent. Les guerriers de l'absurde.